Leçon 2. Activités 2 et 3. Page 16. Piste 8. Qu'est-ce que tu prends comme dessert ? Du flan au caramel. C'est vraiment bon. Et toi ? Une pomme. J'aime les pommes. Tu n'aimes pas le flan au caramel ? Non. Je déteste le caramel. Et toi ? En veillée, tu prends quoi ? Du flan au caramel aussi. J'adore ça. Chez moi, ma mère fait souvent ce dessert.